Thank you. must do something to find my way. I won't give in, 'cause that don't work. We'll be right back. the house. You won't really respond when she sings, because you've gotten used to it, and it's common to you. It's a house.

Like the oceans and the waves, I'm drifting on. I'm drifting on. All of my instincts come to me to run away, run away. Dead. Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia. Mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Et bien voilà, la fin de ce son de l'underground spécial Good Vibes Tech House. J'espère que ça vous a plu. Voilà, ça bougeait pas mal. J'espère que ça vous fait voyager un petit peu pendant ce confinement qui est vraiment relou. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée sur Radio Méditerranée Var. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes avec Fred Cominatia pour un nouvel épisode du son de l'underground. Ce coup-ci, on verra peut-être un Good Vibes Techno, on va voir. On reste dans le Good Vibes, ça fait du bien en ce moment. Et en tout cas, je vous souhaite une belle semaine et je vous laisse avec la playlist. Passez une belle soirée.